32e chapitre, la chambrette. Fleur Desgenais soutenait de son mieux le capitaine endormi sur la selle. Elle ne voulait point s'avouer à elle-même que la fatigue l'accablait, mais elle n'était qu'une jeune fille, et ses forces défaillaient rapidement. Par bonheur, si violent que fût le narcotique administré par maître Alain, son effet ne put résister longtemps au mouvement du cheval. Au bout de quelques minutes, les membres de Didier se raidirent et son corps entier éprouva de légères convulsions. « Mon Didier !» s'écria joyeusement Marie. « Éveille-toi, je t'ai sauvé !» C'était une de ces rares nuits où l'automne breton dérit de son sévère aspect et oublie d'agrafer son éternel manteau de brouillard. La lune pendait, brillante, au centre d'un ciel limpide. Une fraîche brise courait entre les troncs centenaires de l'avenue et venait à l'odorat tout imprégné des âpres parfums de la glandée. Les hautes cimes des chênes se balançaient avec lenteur et harmonie, secouant çà et là sur les bruyères leurs couronnes humides de rosée. Certes, on pourrait difficilement se figurer un réveil à la fois plus fantastique et plus délicieux que celui qui attendait Didier. Pendant quelques secondes, le jeune capitaine crut poursuivre un rêve étrange. Il se sentait emporté par le galop d'un cheval et entendait vaguement à son oreille les sons d'une voix aimée. Ses yeux voulaient s'ouvrir, mais il les tenait obstinément fermés pour garder son illusion. Mais la brise de la forêt arrivait de plus en plus froide à son front et chassait les dernières brumes de l'opium. Il souleva enfin sa paupière alourdie et aperçut le charmant visage de Fleur Desgenais penché sur le sien et si proche que les blonds cheveux de la jeune fille caressaient doucement sa joue. Il porta les mains à ses yeux, étonné de la persistance de ce songe bizarre. Fleur Desgenais écarta sa main en se jouant et il fut forcé de la voir encore. « Est-ce donc bien toi ?» murmura-t-il en se redressant sur la selle par instinct de cavalier. « Toi, ici, à cheval à cette heure, avec moi ?» La voix du capitaine exprimait une stupéfaction si profonde que Marie ne put retenir un sourire. « C'est bien moi, » dit-elle, « je t'expliquerai ce mystère. N'éprouves-tu point quelque souffrance, Didier ?» Elle ne répéta point ce mot qu'un premier mouvement de triomphe lui avait arraché. « Je t'ai sauvé. » Ce sens si sûr, ce tact si exquis que la nature donne aux filles de la solitude, comme aux grandes coquettes de nos villes, lui enseignait la discrétion. Elle devinait ce que pour un soldat le péril adatterait, le devoir de puissance, et n'avait garde de révéler en ce moment ce qui venait de se passer au château. Didier aspirait fortement l'air de la nuit. La fraîcheur vivifiante de l'atmosphère et la force de sa constitution combattaient le malaise que laissait à tous ses membres l'énervante action du narcotique. Néanmoins, il souffrait. Son crâne pesait à son cerveau comme un casque de plomb. « Allons, » dit-il en essayant de secouer la torpeur pénible où il restait plongé en dépit de lui-même. « Ceci m'a tout l'air d'un enlèvement. » Mais je n'y joue pas le rôle ordinaire des officiers de Sa Majesté. Mets ton pied à terre, Marie. Je ne sais, j'ai besoin de repos. » Ils avaient passé les derniers arbres de l'avenue et le dôme de la forêt était sur leur tête. Marie se laissa glisser de la croupe du cheval et toucha le gazon. « À merveille !» murmura Didier. « C'est toi qui me sers d'écuyer. Mais où donc ai-je mis mon esprit et ma force? Soutiens-moi !» Il fit quelques pas en chancelant et s'affaissa au pied d'un arbre, où il s'endormit aussitôt. Marie attira le cheval dans le taillis, mit la tête de Didier sur ses genoux et demeura immobile. Il était sauvé, elle était heureuse, et veillait avec délices sur son sommeil. Un quart d'heure à peine s'était écoulé, lorsqu'elle entendit un bruit de pas dans le sentier. Elle retint son souffle et vit d'abord quatre hommes dont chacun portait le bras d'une civière, où un cinquième individu était étendu garrotté. Ces quatre hommes marchaient en silence. Ils passèrent. Puis un sourd fracas retentit dans la direction de la Tremblay, augmentant sans cesse et approchant avec rapidité. Marie, effrayée, traîna le capitaine au plus épais des buissons. Presque au même instant, la cohue des loups envahit le sentier. Ils n'allaient plus en silence et tâchant d'étouffer le bruit de leurs pas, comme lorsque le pauvre Jude les avait rencontrés quelques heures auparavant. C'était un désordre, une joie, un vacarme délirant. Ils couraient chantant ou devisant bruyamment. Sur leurs épaules sonnaient gaiement de gros sacs de toile, tout pleins des pièces de 6 livres de monsieur l'intendant royal. La prise était bonne, la nuit s'était passée en pillage et en orgie. C'était fête complète pour les bonnes gens de la forêt. Nous ne prenons point mission d'excuser le pillage, fussent les coupables nos excellents amis les loups. Néanmoins, à ceux qui jetteraient à ces pauvres paysans un mépris trop entier ou un blâme trop sévère, nous poserions une simple question. Avez-vous lu, leur demanderions-nous, les récents débats du comité vinicole, ce mot est burlesque mais à la mode. Avez-vous entendu parler de ces hardies et fortes filles de Rebecca qui se font justice sommaire toutes les nuits dans le pays de Galles? Les Rebeccaïtes ressemblent un peu à nos loups. Les vinicoles voudraient fort ressembler aux Rebeccaïtes. Il n'y a entre toutes ces choses que des différences de temps, de mœurs et d'audace. Partout où la force légale opprimera le faible, il y aura réaction nécessaire, sinon légitime. La réaction se traduira en bavardage si les opprimés sont journalistes, gascons ou députés, en violentes représailles, s'ils sont braves et trop pauvres pour attendre un demi-siècle durant la tardive justice du pouvoir. Quoi qu'il en soit, à raison ou à tort, les loups étaient ivres et contents d'eux-mêmes, autant que s'ils eussent fait œuvre pie. L'argent qu'ils emportaient doublait de prix à leurs yeux pour avoir été volé au fisc, leur mortel ennemi, et nous pouvons affirmer qu'aucun remords ne troublait leur conscience. Fleur Desgenais tremblait dans cette course folle. Un soubresaut pouvait jeter quelqu'un des loups hors de la route et lui faire découvrir le capitaine endormi. Or, d'après la conversation qu'elle avait entendue dans la loge entre Pélorouan et Yomi, l'envoyé des loups, elle devait croire que ces derniers en voulaient à la vie de Didier. Tous passèrent cependant sans encombre. À la suite de la cohue marchait encore ce personnage bizarre qu'on nommait le loup blanc dans la forêt. Loin de partager la joie de ses compagnons, il semblait triste et courbait son visage masqué de blanc sur sa poitrine. Lorsqu'il passa devant Fleur Desgenais, la jeune fille tressaillit et tendit le cou en avant. « Serait-ce lui ? » murmura-t-elle avec émotion et frayeur. Le loup blanc disparut comme ses louveteaux derrière un coude de la route. Tout rentra bientôt dans le silence et l'on n'entendit plus que la mystérieuse et fugitive harmonie qui descend par une belle nuit, de la cime balancée des grands arbres d'une forêt. Les heures s'écoulèrent. Ce fut seulement lorsque la brise plus piquante annonça le prochain lever du jour que Didier vainquit sa léthargie. Il était perclus et glacé. Ses membres raidis refusaient de se mouvoir. En s'éveillant, il s'étonna comme la première fois et fit question sur question. « Tu es avec moi, » répondit Marie. « Voudrais-tu être ailleurs ?» « Viens, j'ai une chambrette bien close dans la loge de mon père. Je veux t'y donner asile. »« Mais pourquoi ne pas aller au château ?» demanda Didier. « Il y a en tout ceci un singulier mystère que je m'efforce en vain de comprendre. Mes idées sont confuses. Je me souviens vaguement qu'un irrésistible sommeil s'est emparé de moi hier à la table de Monsieur Vaunois. « Que s'est-il passé, Marie ? Je veux le savoir. » « Tu sauras tout, » répondit Fleur Desgenais en souriant. « Mais tes membres sont glacés, mon beau capitaine. Je ne veux pas te voir trembler ainsi. Cela me donne froid jusqu'au fond du cœur. Viens, te dis-je, je te coucherai dans mon lit et je veillerai sur toi. »« Veiller sur moi ?» répéta Didier. « Comme on veille au chevet de ceux qu'on aime, » s'empressa d'ajouter Marie. « Comme une mère veille auprès de son enfant. Mais viens donc. » Elle entraîna Didier qui, vaincu par son engourdissement morbide, n'avait plus ni volonté ni force. Tous deux se mirent en selle et le cheval galopa dans la direction du carrefour de mi-forêt. À une centaine de pas de la loge, Marie mit pied à terre. « Reste là, » dit-elle à voix basse, « il ne faut pas que mon père te voie. » Elle s'avança doucement vers la loge. La porte était ouverte. « Mon père ?» dit Fleur Déjeuner en allongeant sa jolie tête à l'intérieur. Personne ne répondit. « Il n'est pas là !» pensa la jeune fille avec joie. « Dieu soit loué, Didier aura un abri !» Elle s'élança à la rencontre du capitaine qu'elle prit par la main. Tous deux gagnèrent la loge. « Chut !» murmura Marie. « Marche doucement !» Ils franchirent la sombre salle basse où nous avons assisté à l'entrevue de Jude et de Pélo-Rouen. Puis Marie ouvrit la porte de sa chambre et poussa Didier à l'intérieur. « Maintenant, dit-elle en fermant la porte en dedans, nous sommes en sûreté. Tu es sous ma garde et jamais mon père ne vient ici. » Fleur Déjeuner n'avait pas aperçu, en traversant la loge, deux yeux rouges et flamboyants brillaient derrière le tas de paille qui servait de couche à Pélo-Rouen. Tandis qu'elle passait, ses yeux rayonnèrent un plus sanglant éclat. Quand elle fut passée, ils changèrent brusquement de position et s'élevèrent de plusieurs pieds. C'est que Pélo-Rouen, qui était étendu sur la paille, venait de se dresser sur ses genoux. « Je remercie Dieu, murmura-t-il avec haine, de m'avoir donné des prunelles de bête fauve, des yeux qui voient dans la nuit. Je l'ai bien reconnu, le Français maudit. Il est là, Marie, pauvre fille. » Ces derniers mots furent prononcés d'un ton de tendresse profonde et de paternelle pitié, ce qui n'empêcha point Pélo-Rouen de décrocher le vieux mousquet suspendu au mur et d'y couler deux balles sur une copieuse charge de poudre. Cela fait, il visita soigneusement la batterie, sortit au dehors et grimpa sans bruit aucun et presque sans effort apparent le long du tronc droit et lisse d'un bouleau planté devant la fenêtre de Marie et dont les branches passaient par-dessus la loge. Il s'assit sur l'une de ces branches de telle façon que, caché par le tronc, il pouvait plonger son regard dans l'intérieur de la chambre de Marie. En ce moment, la fenêtre était fermée. Pélo-Rouen attendit immobile. Une demi-heure après, le ciel à l'orient prit une teinte rosée. Les ténèbres s'éclaircirent peu à peu et les oiseaux se prirent à chanter leur joyeuse chanson dans le feuillage. Fleur Déjeuner vint ouvrir sa fenêtre. L'âme de Pélo-Rouen passa dans ses yeux. Avant de rentrer dans l'intérieur de sa chambrette, Marie fit ce qu'elle faisait chaque matin. Elle s'agenouilla, joignit ses petites mains blanches sur l'appui de la croisée et dit sa prière à Notre-Dame de Miforêt. Ensuite, elle revint auprès du lit en chantant un couplet de la romance d'Arthur et présenta un vase plein de lait au capitaine. La chambrette de Fleur Déjeuner était une sorte de petit nid, tout frais et tout gracieux, pris sur la largeur de la sombre pièce où couchait le charbonnier. Les murs étaient blancs et parsemés de bouquets de fumeterre, jolies fleurs qui, suivant l'antique croyance des hommes de la forêt, a la propriété de chasser la fièvre. Vis-à-vis de la fenêtre, un petit lit de chêne noir, sans pieds ni rideaux, donnait à la cellule un aspect de virginale austérité. Au-dessus du lit, il y avait un pieux trophée formé d'un bénitier de verre, d'une statuette de Notre-Dame et d'une branche de laurier-fleur, bénite le Saint-Dimanche des Rameaux à la paroisse de Liffré. Le reste du mobilier se composait d'une chaise et d'une demi-douzaine de paniers de chèvrefeuilles, affectant diverses formes et que Fleur Déjeuner avait appropriés à ses besoins de manière à remplacer cartons, armoires et commodes. Didier était couché dans le lit, Marie s'approcha sans crainte ni honte et se remit à genoux. Elle ignorait le mal et restait au-dessus de la pudeur, cette vertu que n'avait point la première femme lorsqu'elle sortit immaculée et presque divine des mains du Créateur. Didier la contemplait avec tendresse et respect. Tous deux se souriaient et goûtaient silencieusement ce bonheur infini des jeunes amours que les poètes sentent et qu'ils ne savent pas peindre parce que l'homme n'a point pris souci d'inventer des mots pour de si rares et fugitives félicités. Le jour venait. Jusqu'alors, Pélo-Rouen n'avait rien pu distinguer dans la chambrette. Il aperçut enfin les lignes mâles du profil de Didier se détachant sur l'oreiller blanc. Il eut un tressaillement de rage et serra convulsivement son mousquet. Qu'on est bien ainsi, murmura Marie avec recueillement. Didier prit sa blonde tête à deux mains et attira le front de la jeune fille jusqu'à sa lèvre. Péleroi entendit le bruit d'un baiser. Il arma son mousquet. « Qu'est cela ? » dit tout à coup Marie en s'emparant de la médaille que Mademoiselle de Vaunois avait passée au cou du capitaine. Didier prit la médaille et ses traits exprimèrent un léger étonnement. « Ce que c'est ? » répondit-il avec lenteur. « Ce sont mes titres et parchemins, Marie. C'est, je l'ai toujours pensé, le signe qu'une pauvre femme, ma mère, mit à mon cou en m'exposant à la charité des passants. Mais ne parlons pas de cela, ma fille. Je croyais l'avoir perdue. Je la cherchais en vain depuis un an. Il y a de la magie dans ce qui s'est passé cette nuit. » Marie regardait toujours la médaille. « C'est étrange, » dit-elle enfin. « J'en ai une toute pareille. » Elle enleva rapidement le cordon qui retenait la médaille au cou de Didier et tirant en même temps la sienne de son sein, elle s'élança vers la croisée afin de comparer. Péleroi, qui depuis 5 minutes guettait le moment où Marie cesserait de se trouver entre lui et le capitaine, poussa un soupir de soulagement et mit en joue. « Elles sont pareilles !» s'écria Marie avec une joie d'enfant. « Toutes pareilles !» Péleroi tenait la poitrine du capitaine au bout de son mousquet. Il allait tirer. Le cri de Marie détourna son attention et son regard tomba involontairement sur les deux médailles. Il jeta son fusil, qui de branche en branche dégringola bruyamment jusqu'à terre. Une exclamation de surprise s'échappa de ses lèvres. Marie leva la tête, aperçut son père et demeura terrifiée. Par un premier mouvement tout instinctif, elle voulut se rejeter en arrière et fermer la croisée. Mais Péleroi l'arrêta d'un geste impérieux et mit un doigt sur sa bouche pour lui recommander le silence. Didier avait fermé les yeux et donné son esprit à quelques douces rêveries d'amant heureux. Péleroi se laissa glisser le long de l'une des branches du bouleau et atteignit la toiture de chaume de la loge, d'où il s'élança sur l'appui de la croisée. Marie n'osait bouger et le capitaine ne voyait rien. Pélo prit les deux médailles et mit une grande attention à les examiner. Puis il écarta sa fille afin de s'avancer vers le lit. « Ne le tuez pas, mon père, oh, ne le tuez pas !» s'écria Marie en pleurant. Didier se dressa d'un bond sur son séant à ce cri. Mais Péleroi l'avait prévenu et faisait peser déjà sa lourde main sur l'épaule nue du capitaine. « Mon père, mon père !» cria encore Marie avec désespoir. « Chut !» dit le charbonnier à voix basse. Durant plusieurs minutes, il contempla le capitaine en silence. Pendant qu'il le regardait, une émotion extraordinaire et croissante se peignait sur ses traits noircis. Deux larmes contenues jaillirent enfin de ses yeux. Il se laissa tomber à genoux et baisa la main de Didier avec un respect plein d'amour. « Que veut dire cela, mon brave homme ? » demanda le capitaine étonné. « Sa voix aussi !» murmura Péleroi, plongé dans une sorte d'extase. « Sa voix comme ses traits, et je ne l'avais pas reconnue. » Didier le crut fou, Fleur Desgenais pensa rêver. « Je comprends maintenant, » reprit Pélo, se parlant toujours à lui-même. « Je comprends pourquoi Vaunois voulait l'assassiner, et moi qui le laissais faire, qui donc l'a sauvé à ma place ?»« Moi, » prononça faiblement Marie. « Toi ?» répéta Péleroi qui serra la jeune fille sur son cœur avec exaltation. « Toi, enfant, merci, merci du fond du cœur. Tu as fait tout ce que j'aurais dû faire. Tu l'as aimé lorsque moi je le haïssais aveuglément. Tu l'as deviné lorsque je le méconnaissais. Tu lui as donné ta couche et moi je voulais le tuer. Pardon, » ajouta-t-il en revenant vers Didier qui restait ébahi et n'avait garde de comprendre. « Pardon, notre jeune monsieur Georges. »« Georges ? » balbutia le capitaine. « Vous vous trompez. »« Non, non, je ne me trompe pas. Cette médaille que la Providence me fait retrouver, c'est moi qui l'ai mise à votre cou il y a 20 ans, par une nuit terrible où Vaunois tenta encore de vous assassiner, car il y a bien longtemps qu'il vous poursuit, notre jeune monsieur.